une rue, c'est une place, c'est même tout un quartier. On en parle, on y passe, on y vient du monde entier. Perché au flanc de Paname, de loin elle vous sourit, car elle reflète l'âme, la gaieté et l'esprit de Paris. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle, grand magasin, atelier de Raffin, restaurant pour Ruffin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève des poids de 100 kilos. Hôtel meublé discrètement éclairé où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins qui lisent dans les mains, Pigalle. Clochard, camelot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens à chérie. Et Prosper qui dans un coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde y a qu'un seul, Pigalle.